décousu, on ne l'aura pas, job. Surtout si on va d'une multinationale, puis les gros bureaux. Là, on s'attrique. Une cravate verte avec des bas roses, ben, c'est pareil, on s'attrique. On a fait un effort. C'est inouï. Oui, c'est juste. D'un autre côté, la femme, souvent, est aidée dans ses vêtements ou l'achat de ses vêtements par son mari ou son amant. Alors, il y a une balance. Pardon? Quoi? Oui, d'accord. Ça, c'est ça. Tu sais, vouloir parler avec une femme, ça, naturellement, c'est important, puis ça fait partie de l'homme conscient, de la femme consciente. Mais dans la vie, il n'y a pas une parler. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire l'autre partie. C'est pour ça que je parle de la partie du mental. C'est pour ça que je m'attaque plutôt à la partie matérielle. Parce que je sais qu'au niveau matériel, c'est évident ça. Je le prends comme acquis ce que tu dis, Hélène. Je le prends comme acquis ça. Mais je veux faire le point sur le fait, sur le côté matériel. Parce qu'on regarde toujours le côté mental, puis le côté mental, puis le côté mental. C'est évident, on est des gens mentaux, puis on devient de plus en plus mentaux. Mais il faut pas être des manteaux. Non, mais plus tu deviens conscient, moins tu es prisonnier de la séduction, mais plus tu deviens séducteur. Moi, je suis un maudit séducteur. OK? J'en suis très conscient des lois d'impression, puis je sais très bien, moi, que si je vais aller dans un bureau rencontrer quelqu'un, qui ne connaît pas par mort Montréal, puis si c'est bien intelligent, si c'est bien sans dessin, je vais m'organiser pour le séduire. Dans le sens que je vais m'organiser pour me présenter là, pour avoir de l'allure, puis correspondre à sa vibration. C'est de la séduction. Ben, c'est évident, mais je parle. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le plan matériel et le plan d'intelligence doivent être réunis. On doit être tout ça en même temps. Pas rien que ça ou pas rien que ça. Il y a des gens qui sont rien dans le matériel. Ça sent une personne qui est bien, bien habillée, mais qui n'a rien en dedans. Puis ça sent une personne qui est plein, plein site, mais qui est tenue dehors. Fait qu'il faut les deux ensemble. À ce moment-là, tu as des êtres qui sont plaisants, qui sont. Parce que, astralement parlant, moi, il y a une personne parmi vous autres, parmi les 2000, je ne vais pas citer, là. Il y en a une parmi vous autres, là, je la sens à distance, elle est à la porte là-bas, puis je sens son odeur de corps. Fait que quand j'avoue, je m'en vais par là. Ça fait toute partie de la même affaire, ça fait partie de la sensibilité du corps matériel, et ça, il faut que ça soit intégré. La raison pour laquelle je parle de vêtements, et ainsi de suite, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes, et j'en ai vu des personnes parmi vous autres, des femmes, comme des hommes, qui se sont ajustées, qui ont fait une corrélation entre leurs vêtements et leur personnalité. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils semblent être des gens neufs. Ils semblent être des gens neufs. Bon, il y a toujours de l'évolution qui se fait, c'est évident. Dans 5 ans, ils vont changer, dans 10 ans, ils vont... Mais s'il faut qu'ils attendent en 1998 pour se mettre une cravate, ça va être long en maudit. C'est ça que je veux dire. Tu sais, nous autres, c'est très important, l'homme. C'est très important pour l'homme conscient d'être totalement conscient, pas impartiellement conscient. La conscience du double à travers tous les états, à travers les tailles du mental, à travers les tailles de l'astral, à travers les tailles du corps vital, et elle se manifeste éventuellement dans la matière. C'est ça la beauté. S'il n'y a pas de beauté dans une personne physique, il y a un manque d'harmonie, il y a un manque de sensibilité, il y a un manque d'ajustement du corps astral au corps mental, donc il y a un manque de communication entre le double et ces plans subtils-là qui font partie de la conscience de l'homme, de la personnalité de l'homme. Si vous regardez aujourd'hui, si vous regardez l'effet social du mouvement beatnik et du mouvement épée qui était accéléré par la drogue sur le monde, ça crée un climat déprimant dans la société. Très déprimant. Moi, je me rappelle, dans les années 60, quand j'étais à San Francisco, il y avait eu le phénomène des Beatles dans ce temps-là, tout là, puis le San Francisco, c'était comme la mecque des épées, là. C'était très déprimant. Fait que, je sais très bien, je ne veux pas en discuter outre mesure avec vous autres, mais je sais très bien qu'il y a des hommes et des femmes qui, à cause d'un manque d'allure, pas à cause d'un manque d'intelligence, mais à cause d'un manque de sensibilité qui leur empêche d'avoir de l'allure, s'empêchent d'avoir des relations, des alliances avec des personnes de sexe opposé. Parce que tu ne peux pas demander à l'œil de regarder l'intelligence. Et tu ne peux pas vivre d'intelligence seulement, il faut que tu vives aussi la beauté. Ça fait toute partie, ça, de l'organigramme humain. Tu veux que je te dise? Ton interprétation, ce que tu dis, je le comprends, ce que la jeune fille là-bas a dit, je le comprends. Mais le point que j'essaie de situer universellement pour que les gens réalisent que c'est très important qu'il y ait correspondance entre l'intelligence et la matière. Pardon? Exactement. Exactement. Oui, c'est le fait. Oui, c'est juste. Très juste. Très juste. Mm-hmm. C'est ça. Chacun doit fitter selon sa personnalité. Quand tu fites selon ta personnalité, tu fites. Mais si tu ne fites pas selon ta personnalité, tu ne fites pas pantoute. Très juste. Tant que la femme sera pas une femme, elle va être encore une petite fille, qu'elle ne sera pas une femme, elle ne sera pas interpellée par un homme, qu'elle ne s'appellera pas un homme. Et quand les hommes sont des petits gars, ben, ils ne sont pas interpellés par la polarité de la femme. Puis ça, c'est planétaire que je te parle là, c'est la psychologie planétaire, ça, c'est sous-jacent à la défense de l'intelligence pour qu'elle termine dans le corps planétaire. Il faut que les corps intérieurs soient terminés. Alors, les corps intérieurs ne sont pas terminés encore. Très juste. Les deux polarités ne sont pas installées. Mm-hmm. Comment est-ce qu'il y a un gars qui porte une cravate? S'il n'y a pas de support qui dit que la porte est son petite cravate, ça a une valeur, mais il faut qu'il y ait un tennis qui soit en activité en dessous de la cravate. Très juste. Très juste. Très juste. C'est pour ça que je dis tout le temps, je parle toujours pour demain. Il y en a qui sont rendus. Ouais, il y en a qui sont rendus. Très juste. Je suis totalement d'accord. Très juste. Très juste. Il va falloir que l'homme éjacule aussi. Il va falloir que l'homme se manifeste de la communauté pour qu'on soit tout installé, pour que important pour moi, c'est la grosse partie du travail de conscientisation à faire. On n'a pas les temps des femmes, parce que c'est partie de la sécurité. On n'a pas les temps des autres, parce que c'est encore de plaisir, c'est encore tout le temps qui nous empêche de faire ça. C'est pour moi, c'est des horaires, tu sais que c'est du mouvement, mais moi, je n'ai pas l'amour avec une planète. Je n'ai pas l'amour avec un pénis doué. Très juste. Très juste. Mais tu comprends le point que je veux dire? C'est ta job. Moi, quand je vous parle, là, moi, j'ai tellement de choses à dire. Je prends des sections. Ça, c'est bien important d'abord. Hein? Pour me comprendre, c'est bien important. Je prends des sections. Je prends une section, puis je développe la section. Et puis, vous autres, vous pouvez prendre la section et l'intégrer à un plan plus vaste. Mais des fois, je veux faire la... Je veux pointer à une section pour la mettre en relief, pour que vous autres, plus tard, toi ou d'autres, preniez cette section-là qui est en relief et l'intégrer à un plan plus vaste. Si je dis c'est important que l'homme ou la femme ait de l'allure physiquement, c'est évident que j'implique tout ce que tu vas dire dans ce cadre-là. Mais le point que je veux faire, c'est de faire réaliser aux gens que c'est important que les hommes et les femmes se conviennent physiquement selon leur personnalité, quitte à ce que ça change au fur et à mesure qu'ils se sensibilisent, ainsi de suite. C'est ce point-là que je veux faire. Alors, ce que tu dis, ça va plus loin. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Mais la mise en page est sur cet élément-là, parce que je sais, moi, que cet élément-là, qui semble très, très simpliste, empêche des gens de commencer à se rencontrer, quitte à se développer dans leur relation avec le temps, mais de commencer à se rencontrer. Tu t'imagines qu'une personne qui est bien intelligente, qui est bien sensible, qui prend pas conscience de son corps physique et qui t'empêche de l'approcher à 20 pieds, comment est-ce que tu veux échanger avec cette personne-là? Alors, cette personne-là doit le réaliser, ça. Si elle réalise pas ça, comment est-ce que tu veux qu'elle réalise d'autres choses? Mais oui. C'est ça, c'est l'éducation. Mais c'est justement pourquoi c'est très important de parler de choses qui, si elles n'ont pas été faites parce qu'il y a eu un oversight, que les gens en prennent conscience et réalisent que c'est important avant d'aller à d'autres choses. Si les gens ne sont pas capables de réaliser l'importance de petites choses, comment veux-tu que les gens réalisent des grandes choses? Ça. Ouais, mais moi, quand je vous fais de la petite fleur, quand je vous fais de la petite fleur, c'est pas de la petite fleur, je me sers de la petite fleur pour vous faire vibrer un petit peu, mais c'est la vibration. C'est la vibration. Fait que si toi, t'es découragé. Mais imagine-toi, si toi, tu es découragé, puis moi, je ne peux pas me permettre de décourager, tu peux réaliser l'importance de la très grande patience dans l'œuvre. Autrement dit, on ne peut pas, moi, je suis sûr que dans les années à venir, si vous en arrivez à former une alliance internationale au niveau des données que vous serez, je suis sûr que vous serez obligé de mesurer ce que vous savez avec la condition psychologique des masses que vous rencontrerez. Autrement dit, ça prend une grande patience mentale pour faire et donner à l'homme de l'instruction. Il faut que tu puisses descendre dans les niaiseries, ta petite rose, comme monter dans les grandes sphères occultes de l'évolution de l'homme de la sixième race. Et la séparation, la différence entre ces deux niveaux-là doit être totalement comblée instantanément quand le besoin s'en fait sentir. C'est là, d'ailleurs, la préscience de l'intelligence universelle sur la personnalité de l'homme. La capacité, sans ça, si vous êtes pas capable de passer d'un plan très élevé à un plan très bas, vous allez rencontrer un des gens qui sont ici. Mais les gens qui sont ici et qui peuvent être demain ici, vous ne pourrez jamais les amener là parce qu'il y aura des choses qui bloquera ça. Même la femme est très compétente. Mmh. C'est pour ça que les psychologues critiquent à Elle l'a amené à pas un degré de conscience, elle l'a amené à un degré de sensibilité qui n'est pas conscientisé. Mais qui se conscientise. Autrement dit, il faut que la sensibilité de la femme soit conscientisée, comme l'inconscience de l'homme, l'insensibilité de l'homme soit conscientisée. Quand l'insensibilité de l'homme sera conscientisée et la sensibilité de la femme sera conscientisée, ni l'homme ni la femme souffriront dans leur relation de couple. Là, il y aura un couple réel. Ceux qui parleront dans le public des années à venir devront prendre conscience de l'importance de mesurer leur intelligence avec les conditions psychologiques nécessaires au développement de cette intelligence-là, éventuellement. Sans ça, vous allez être dans une tour d'ivoire. C'est ça, la psychologie. C'est ça. Ça veut dire que tu es obligé de temps en temps de parler de la rose, puis comme tu es obligé de temps en temps de parler de la cravate, puis de temps en temps d'autres choses. C'est pour ça que quand tu as parlé pendant des années comme moi de la rose, tu viens écœuré, tu viens fatigué, mais comme tu es fusionné, tu es capable de continuer jusqu'à temps que tu sois plus capable de continuer le travail. Là, tu vas à d'autres choses. C'est pour ça que je commence à diminuer un petit peu. Ben, je connais de parler de la rose, mais je suis en maudit comment est-ce qu'elle est importante, la rose. On réalise quand on se conscientise une chose. Plus le double prend contrôle de l'homme planétaire, plus l'homme planétaire parle ce qu'il doit parler et ne peut plus parler de ce qu'il aimerait parler. Ça, c'est une constatation qui est ineffable, ça. C'est inéluctable, cette constatation-là. Ça, c'est un signe que l'homme est prêt à parler. Quand l'homme est plus capable de parler ce qu'il veut parler, mais qu'il parle ce qu'il doit parler et qu'il ne sait pas ce qu'il va parler d'avance, à ce moment-là, il est rendu dans son intelligence, puis c'est là que le travail se fait. D'abord, quand je parle de la structuration de ceux qui donneront de l'instruction plus tard, quand je parle de la structuration binaire, d'avoir deux personnes dont un représente l'aspect occulte, autrement dit des grands plans, et une autre personne qui représente, qui peut bien manier l'aspect psychologique, pour qu'il n'y ait pas de diffusion d'énergie, que tout ce qui englobe l'homme sur ce plan-là et sur ce plan-là soit pris en considération, c'est ça. C'est ça. Je l'ai compris avant hier. Pourquoi? Pour que l'énergie de l'intelligence ne soit pas diffusée seulement dans ce plan-là ou dans ce plan-là, pour que les deux plans servent. Et c'est ça qui va briser la vibration de l'école. Parce que si c'est à ainsi, ça deviendra une école. Mais si c'est puis si ça brise la vibration de l'école et ça crée une autre vibration qui fait partie de l'instruction à tous les niveaux. Moi, je sais bien que si j'ouvrais, je sais pas, moi, si j'ouvrais un école ou une place à Montréal, puis je dirais, bon, ben, je vais donner des cours de personnalité, je partirais du bas pour arriver en haut, comme je peux partir du haut pour arriver en bas. Il y a du monde qui pourrait venir à Montréal, des gens qui sont jamais venus dans un séminaire, des gens qui travaillent dans un bureau, ensuite, qui viendraient pour prendre des cours de personnalité, parce qu'ils pensent que des cours de personnalité comme ils se donnent dans l'école, là. Ils viendraient à cette école-là, laisse-moi dire qu'automatiquement, ils passeraient de là à là. Fait que tu te serves d'une arme ou d'un autre, que tu parles du cosmique ou que tu parles de la petite cravate, ça amène toujours l'homme à conscientiser les aspects de sa personnalité dont il n'est pas conscient parce qu'il n'est pas capable encore de réaliser sa certitude de personne. La certitude de personne n'étant pas réalisée à cause de son insécurité. Le pouvoir de l'intelligence du double, c'est justement qu'elle est capable, cette intelligence, de partir d'une niaiserie pour développer un grand plan, comme elle peut partir d'un grand plan pour arriver à une niaiserie. C'est ça le pouvoir. C'est ça qui confond l'esprit, c'est ça qui confond l'ego, c'est ça qui confond nos attitudes psychologiques. Moi, je le sais, je le fais depuis des années, je le réalise. Je parle d'une carotte, puis je tombe dans la conscience atomique, puis ça se tient tout. C'est le même que fonctionne l'intelligence. Alors, nous autres, en tant qu'instructeurs, un jour, il faut qu'on en arrive à pouvoir être toujours capable de transformer l'énergie de l'intelligence en principe d'action sur le plan matériel pour ce qui convient à la personnalité, comme on doit transférer l'énergie de l'intelligence en principe d'action qui convient au plan psychologique, pour que l'homme soit à la mesure de lui-même sur tous les plans, vis-à-vis lui-même intérieurement, comme vis-à-vis la projection de lui-même dans le monde, qui est étudié ou observé ou perçu par les hommes qui le voient. Sans ça, il y a une discordance. Moi, j'ai rencontré un scientiste un jour qui est venu chez nous, en jeans, des États-Unis, puis je l'ai quasiment crissé dehors. Ben beau, la belle balle, tu sais, la grosse balle, là, en jeans, la barbe. J'ai dit, tu t'imagines que tu vas aller dans le public donner des conférences scientifiques dans le monde à bien de même, tu penses que les gens vont t'écouter comme ils t'écouteraient si t'avais une cravate? Puis un homme de 60 ans. J'ai dit, quand tu viendras me voir, si tu veux venir me voir, mets-toi une cravate. J'ai dit, quand tu vas dans le monde, j'ose espérer qu'il te mettra une cravate. Aujourd'hui, il a compris le gars. Fait que quand il est là, en public, devant des conventions à Cincinnati, il a sa cravate, puis les gens disent pas que c'est un Christ d'épée intelligent. Ils disent que c'est un gars qui a une certaine allure. Il l'a compris, finalement. L'autre, à Ottawa, qui rencontre des ministres avec ses Christ de grosses bottes. J'ai dit, Christ, achète-toi des souliers, ça coûte 12 piastres. Achète-toi des souliers noirs, puis mets-toi des bottes de convenance. C'est pas une ta grosse balle, c'est pas ta balle qui vont voir tout de suite, c'est tes Christ de bottines. C'est la psychologie. Aujourd'hui, il y a tchè. En tout cas, quand tu viens chez nous, il y a des souliers. On va manger. Quand on regarde une chose, il faut toujours regarder l'envers. Il faut bien la comprendre. On ne peut jamais comprendre une chose en regardant seulement cette chose-là. Il faut toujours regarder l'envers de la chose pour bien la situer. Et l'envers de l'insécurité, c'est l'agressivité. C'est très particulier, l'agressivité. Autant l'homme ne comprend pas son insécurité, autant l'homme ne comprend pas son agressivité. Il faut être très insécure pour ne pas pouvoir être agressif. Il faut être très agressif pour ne pas sentir l'insécurité. Un homme qui est dans son intelligence ne peut pas être agressif et ne peut pas être insécure. Si l'homme n'est pas dans son intelligence, il peut être agressif à cause de l'insécurité et insécure dans son agressivité. Les deux vont de pair. L'un, c'est l'envers de l'autre. L'agressivité sert à camoufler l'insécurité et l'insécurité est à la base de l'agressivité. Ce qui est le plus difficile chez l'homme, c'est de comprendre soit son insécurité ou soit son agressivité. L'homme n'est pas capable. L'homme planétaire n'est pas capable de la comprendre. Il peut la vivre, mais il ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme rationalise à la fois son insécurité, comme il rationalise son agressivité. Et quand on rationalise l'insécurité ou l'agressivité, on ne peut pas comprendre d'après notre intelligence. On vit, on subit notre insécurité ou on s'active agressivement. Donc, on subit d'une façon ou d'une autre le jeu du double contre la personne humaine. Donc, le double se sert dans la vie autant de l'insécurité de l'homme qu'il peut se servir de l'agressivité de l'homme. S'il se sert de l'insécurité de l'homme, l'homme se sentira affaibli en lui-même. S'il se sert de l'agressivité de l'homme, l'homme voudra changer le monde extérieur. Et dans les deux cas, il y a illusion. Dans le premier cas de l'insécurité, il y a l'illusion que l'homme est en dessous de sa hauteur. Et dans l'autre cas, il y aura l'illusion que l'homme peut changer le social. Et ce qui est très important dans la compréhension de ces deux aspects, de ces deux faces de la même pièce, c'est que plus l'homme apprend à inventer sa psychologie, plus il apprend à détruire son insécurité et à éliminer son agressivité. Qu'est-ce que ça veut dire inventer sa psychologie? Inventer sa psychologie, ça veut dire participer dans un certain moment quelconque, dans des instantanéités, participer à son intelligence. Alors, il y a des moments dans la vie de l'homme, des instantanéités dans la vie de l'homme, où il sait, où il sent, où il perçoit l'illusion de son insécurité et où il perçoit l'illusion de son agressivité. Il y a des instants. Ces instantanéités-là sont le produit du mouvement du double à travers la personne. Et c'est à ce moment-là que faut que l'homme invente sa psychologie. C'est à ce moment-là que l'homme prend conscience de lui-même en tant qu'être qui ne doit pas souffrir. Tant que l'homme planétaire n'aura pas pris conscience dans ces instantanéités-là, ou au fur et à mesure que ces instantanéités-là se manifestent, tant que l'homme n'aura pas pris conscience qu'il ne doit pas souffrir, il sera dans l'illusion de l'insécurité ou dans l'illusion de l'agressivité. Et l'homme n'est pas habitué à ceci, parce que l'homme n'a jamais été instruit dans le passé dans la psychologie de l'intelligence. Il a été instruit dans le passé dans une forme quelconque de comportement social vis-à-vis lui-même ou vis-à-vis la masse. Donc, l'homme n'a jamais été capable de réellement se sortir de la masse ou de se sortir de l'observation de lui-même ou de la vie qu'il a connue pour entrer dans la fabrication d'une psychologie qui lui convient, qui est le produit de l'intelligentisation de sa personne. L'homme n'a jamais été donné les moyens pour intelligentiser sa personne. Parce qu'il a toujours eu de l'insécurité ou il a toujours eu de l'agressivité. L'agressivité bloque la vision de l'homme. Il lui fait projeter dans le monde sa douleur. Donc, elle ne le sert pas. Au contraire, il va recevoir éventuellement un feedback qui va le détruire. Ou l'homme va subir intérieurement son insécurité et il va en souffrir personnellement. Donc, dans les deux cas, l'homme n'a jamais été donné les outils pour intelligentiser sa personne, sa vie. Pour que l'homme fasse ceci, il faut que des règles du jeu lui soient données. soit par quelqu'un qui vit cette vie-là, ou il n'y a pas de choix. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un dans un temps quelconque sur la planète quelque part qui connaisse les règles du jeu. Alors, pour qu'une personne connaisse les règles du jeu, il faut qu'il soit en dehors d'insécurité, il faut qu'il soit en dehors d'agressivité. Donc, il peut expliquer à celui qui vit un ou l'autre qu'est-ce que c'est la règle du jeu. Moi, c'est ce que je vous donne, c'est ce que je vous fais. Bon. Et il y en a trois règles du jeu dans ceci, dans l'intelligentisation de la vie. La première règle du jeu, c'est que l'homme doit réaliser que tous les éléments de la vie, qu'ils soient intérieurs, insécurité, ou qu'ils soient extérieurs, agressivité, sont des éléments créés par le double, se servant de sa sensibilité pour extraire de ses émotions et de son mental le maximum d'expérience. Pour que le double puisse éventuellement inventorier sa relation avec l'homme afin de détruire, une fois que l'homme en a pris conscience à travers ces expériences-là, afin de détruire le lien astral entre l'homme et lui. Alors, le double a une fonction extrêmement retirée de la conscience de l'homme, une fonction qui est très, très retirée de la conscience de l'homme, fonction qui est aussi retirée que l'homme est inconscient. Et le double se sert de tout le matériel d'insécurisation, d'insécurité ou d'agressivité pour extraire le maximum d'énergie astrale de l'homme. Mais l'homme ne sait pas. Donc, l'homme, ne le sachant pas, peut souffrir très longtemps de cette situation et automatiquement, selon sa sensibilité, selon son caractère, et ainsi de suite, peut en arriver un jour même à ne plus être capable de subir l'extraction, et à ce moment-là, l'astral entre en jeu, il peut se suicider ou il peut tuer. Le deuxième aspect, c'est ceci. C'est que pour que l'homme intelligentise sa vie, il faut qu'à un certain moment dans sa vie, probablement à travers les outils qui lui sont donnés par des hommes qui ne sont pas pris dans ce jeu-là, il faut qu'à un certain moment, un homme puisse corriger sa vie agressive ou sa vie insécure. La corriger dans le sens que, aussitôt qu'il a été émis dans le monde, le jeu ou la règle du jeu, il faut que lui puisse se servir de cette règle du jeu et la voir dans son agressivité et dans son insécurité. S'il n'est pas capable de la voir, il est foutu. Il demeurera insécure ou il demeurera agressif. Troisième aspect, c'est que l'intelligentisation de la personne ou de la vie n'est pas un phénomène rationalisable. On ne peut pas rationaliser l'intelligentisation de la vie. C'est une loi absolue. Ça marche de même. Bon. Ceux qui la vivent, la savent, la disent, l'expliquent. Bon. Alors, comme l'intelligentisation de la vie n'est pas rationalisable, l'homme qui est insécure ou l'homme qui est agressif, à un certain moment, doit prendre conseil de ces principes-là. À un certain moment, s'il n'est pas suffisamment dans son intelligence pour ne plus souffrir d'insécurité ou pour éliminer de sa vie l'agressivité, et qu'il est en voie d'évolution supérieure, quelque part dans le temps, le double lui fera réaliser ça. Mais, malheureusement, il sera obligé de la réaliser à travers une expérience douloureuse. Parce que le phénomène de rationaliser, c'est un phénomène d'insécurité et d'agressivité. Rationaliser, c'est être agressif ou insécure, un des deux. Alors, le phénomène d'agressivité ou d'insécurité rapporté au niveau mental, à partir du plan astral d'où il s'exécute, mais rapporté au niveau mental, devient un phénomène qui empêche l'homme d'avoir accès instantanément à une autre dimension de lui, qui est le double, et qui peut lui faire comprendre que son rationalisme couvre son insécurité ou son agressivité. Donc, c'est très important pour l'homme de comprendre que toute forme de rationalisation couvre en lui de l'insécurité ou de l'agressivité, selon sa propensité naturelle. Si l'homme comprend que rationaliser, c'est s'empêcher d'inventer sa psychologie, de créer sa psychologie, autrement dit, d'intelligentiser sa personne, sa vie, à ce moment-là, il commence à cesser de rationaliser. Et c'est là qu'il commence à être intelligent. Et c'est là qu'il commence à perdre ses tendances naturelles à l'insécurité ou à l'agressivité. Parce que le propre de l'homme, ce n'est pas de renverser le monde extérieur ou d'être renversé intérieurement. Le propre de l'homme, c'est de rendre ce qui est intérieur totalement stable et d'en arriver à être totalement neutre vis-à-vis l'extérieur qui déjà est en décomposition. C'est pour ça que les êtres spirituels, les gens très, très spirituels, veulent sauver le monde. L'homme a essayé de sauver le monde depuis des siècles. Des mystiques, des monastiques, des sectes, des religions, il y en a toujours eu. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours voulu sauver le monde. L'homme ne peut pas sauver le monde, parce que le monde est fait d'hommes inconscients. La Terre, la conscience planétaire, subit un cycle d'évolution qui commence, et au cours de cette évolution-là, il y aura la formation d'une race mentale, et ensuite, il y aura la formation d'une race encore supérieure, qui sera la race de l'homme-esprit. Donc, dans ces deux cycles-là de l'évolution, l'homme qui commence après ou à la fin du cycle d'évolution doit réaliser que dans cet enchaînement-là d'événements, il n'y a plus aucune correspondance avec l'ancien événement ou l'ancien enchaînement. Donc, tout ce qui a servi à l'homme dans le passé au niveau de la formation de sa psychologie, basée sur l'insécurité ou l'agressivité qui a donné la guerre ou le monasticisme, pour lui, il n'y a plus de réponse. Dans le passé, l'insécurité a créé la guerre, le monasticisme, la spiritualité, ainsi de suite. L'agressivité, c'est-à-dire que l'agressivité a créé la guerre, et l'insécurité a créé le monasticisme, les aspects positifs de l'homme, comment dire. Bon. Mais dans la nouvelle évolution, c'est un autre paire de manches. It's another ball game. L'homme doit réinventer, doit inventer, doit créer sa propre psychologie. Pour qu'il crée sa propre psychologie, il faut qu'il se désaffecte de ces deux aspects, de ces deux principes-là, qui sont à la base de l'évolution de l'homme, qui ont commencé au niveau du système nerveux, même qui existent au niveau du royaume animal, qui éventuellement ont servi au niveau du royaume humain, et qui ont amené l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à un point terminal de l'évolution où il est soit insécure ou agressif, soit guerrier ou spirituel. Donc, dans la nouvelle évolution, ces principes-là doivent être éliminés de la conscience humaine, et automatiquement, il faut, pour ceci, que l'homme prenne conscience de l'instantanéité de son intelligence, de son double, à travers son intellect. Donc, il faut qu'il arrive à cesser de rationaliser une attitude ou l'autre. S'il prend conscience de ceci, il commencera à briser le pouvoir de l'astral en lui qui l'insécurise ou qui le rend agressif. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'autre voie, parce que la dernière voie de l'homme, ce n'est plus une voie spirituelle. C'est une voie d'intelligence. Alors, automatiquement, le jeu, l'ancien jeu est rompu et l'homme doit vivre, créer, instituer un nouveau jeu. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile parce que les gens aujourd'hui dans le monde ou dans l'avenir qui vont prendre conscience de la psychologie de la psychologie du double, la psychologie de l'esprit, la psychologie de l'intelligence, ainsi de suite. Les gens qui vont prendre conscience seront obligés, à un certain moment, de se tenir seuls vis-à-vis eux-mêmes, c'est-à-dire vis-à-vis eux-mêmes réels, le double, et instantanément, dans le mouvement de l'expérience, prendre, sur le plan de leur expérience matérielle, une décision. Final, bon, une décision, décision, décision. Mais ce sont les expériences qui vont les amener à prendre des décisions, parce que l'homme ne peut pas prendre de décision avant que l'expérience soit consumée dans sa vie. Il y a toujours une expérience qui doit être vécue par l'homme qui crée une crise, qui est le produit de la manutention du double sur son expérience planétaire. Et c'est là, à ce moment-là, une fois que les principes ou le jeu ou les règles du jeu ont été institués, que l'homme peut commencer à se créer une nouvelle psychologie. Et chaque homme possède une psychologie qui lui est particulière. La psychologie universelle n'existe pas. L'intelligence universelle existe, mais non la psychologie universelle. Je vais vous dire pourquoi. La psychologie universelle n'existe pas parce que la psychologie, c'est la capacité à un individu de comprendre lui. L'intelligence à laquelle il a accès, en vertu du pouvoir de compréhension qu'il a, à cause de la constitution de son mental et de son émotionnel. Autrement dit, je vous donne un exemple, moi, personnellement, je peux comprendre des choses d'une certaine façon, par moi-même. Et vous pouvez comprendre des choses, la même chose, d'une certaine façon, par vous-même. Mais votre vous-même, puis mon moi-même, ne sont pas les mêmes. Sont pas, ben exemple, ce qu'on parle à soi. Toute la conversation, c'est tout que ça amène à ça. Alors, chacun de nous a raison, mais chacun de nous a la perception de la vibration de l'intelligence d'une façon qui définit la réalité de nous-mêmes. Autrement dit, moi je peux parler de la rose, puis en même temps, pendant que je parle de la rose, je peux contempler la relation entre la rose et le plan très très élevé de l'évolution. Tandis que pour l'homme en général, s'il parle de la rose, ça va s'arrêter là, ou ça peut toucher un petit peu plus loin. Mais pour que l'homme puisse parler de la rose et à la fois contempler, à partir de la rose, un plan très vaste d'évolution, ça prend une autre vibration. Ça prend une vibration qui permet à cet homme d'être capable d'emmagasiner l'intelligence du double totalement, sans qu'il y ait formation dans sa conscience planétaire d'un moindre mouvement astral. Alors, la psychologie universelle n'existe pas. Mais la psychologie, la science de la psychologie, qui est la science de l'organisation de cette énergie au niveau du mental et de l'émotionnel, elle existe pour tous les hommes. Et c'est à ce niveau-là que l'homme, en tant qu'individu, doit toujours être respecté dans sa psychologie. Parce que chaque homme a raison. Et c'est quand l'homme commence à réaliser que chaque homme a raison, ça c'est subtil en maudit, c'est quand l'homme commence à réaliser que chaque homme a raison que l'insécurité et l'agressivité n'existent plus en lui. Un homme là, vous autres vous êtes, je sais pas, vous êtes 200 dans la salle, là, supposons qu'on prenait un sujet, là j'irai m'asseoir avec vous autres puis je parlerai là, puis vous verriez que je vous donnerai raison. Puis je vous donnerai raison, puis je vous donnerai raison, puis je vous donnerai raison, puis je vous donnerai ma raison, puis je vous donnerai raison. Je pourrais vous donner raison à tout le monde. Vous auriez différentes couleurs, 200 couleurs différentes dans votre exposé, mais je vous donnerai raison. Parce que je verrai toujours votre raison, parce que je suis capable de passer de la rose à des plantes plus vertes. Mais l'homme n'est pas habitué encore à ça, parce que l'homme n'est pas totalement libre au niveau de l'insécurité et de l'agressivité. Donc, il n'est pas capable, l'homme, de donner raison à l'autre. Il est simplement capable de vibrer insécure au niveau de l'insécurité ou au niveau de l'agressivité à cause du fait qu'il n'est pas en contact parfait avec son double. Alors, ça nous amène à constater que l'insécurité et l'agressivité sont des conditions qui relèvent du manque de contact entre le double et l'homme. Et les expériences de vie serviront dans l'avenir à créer ce contact. Mais l'homme étant donné les règles du jeu peut s'empêcher de souffrir trop pour rien. Pour que son évolution se fasse plus vite. Sinon, ça prendra bien du temps, puis bien des siècles.